Pourquoi l'éducation est-elle un problème? L'éducation est un problème, au fond, pour une raison très simple. C'est en raison de la nature même de l'être humain. L'être humain, contrairement aux autres êtres vivants, en tout cas la plupart d'entre eux, n'est pas donné à la naissance ni dans son développement physique, qui prend plus de temps à s'accomplir que pour les autres vivants, ni dans son développement intellectuel, ni dans son développement ou son histoire, au fond, sociale. L'être humain peut se transformer dans les premières années de sa vie d'une manière extrêmement profonde dans toutes ses dimensions, du physique jusqu'au social. Il n'est pas donné à la naissance, il doit être, comme disent certains, et c'est un terme qui a marqué toute l'histoire de l'éducation, il doit être formé, comme disent certains, et c'est cela le rôle de l'éducation, ce serait cela le cœur du problème. Mais on voit bien finalement que cela ne suffit pas à définir le cœur du problème de l'éducation, car on pourrait voir à ce moment-là, dans l'éducation, une sorte de substitut à la nature, à ce que l'instinct fait pour les animaux, selon certains, puisque les animaux sont sûrement un peu éducables et transformables aussi au-delà de l'instinct, mais finalement l'éducation aurait ce même rôle. Et c'est pour beaucoup la fonction principale de l'éducation qui du coup ne pose, disons-le, pas beaucoup de problèmes. L'éducation doit former un être humain complet, en particulier social, lui inculquer des habitudes par une sorte d'abord de processus de répétition et d'organisation qui fait que nous devenons des êtres sociables, des êtres ayant suffisamment de savoir pour s'orienter dans une culture donnée, pour s'orienter dans une société existante. Et tout cela est absolument nécessaire aussi au fonctionnement même de la vie humaine, l'éducation comme prolongement de l'évolution, comme fonction, comme besoin. À ce moment-là, ce n'est véritablement pas un problème. Alors pourquoi l'éducation fait-elle vraiment problème? C'est que l'être humain n'est pas seulement à construire par défaut, en quelque sorte. Il est fondamentalement ouvert parce qu'il est individuel et parce qu'il est libre. Le problème de l'éducation, au fond, c'est la liberté. Comment construire avec des êtres humains libres une société humaine possible et qui non seulement répond à des fonctions primitives, mais progresse et s'ouvre elle-même? C'est le problème de la liberté qui explique aussi la résistance à l'éducation, et c'est le problème de l'individualité qui fait qu'on ne veut pas seulement être tous les mêmes, mais aussi qu'on doit former des individus et des talents différents. C'est depuis ce problème de la liberté qu'on doit comprendre l'éducation, qui suppose, pour être maîtrisée et désirée, la culture même de l'histoire humaine, la culture des aventures de la liberté, l'histoire des tragédies humaines, l'histoire des religions, l'histoire des humanités, pour apprendre l'usage de la liberté, qui suppose aussi les savoirs rationnels et critiques pour faire usage de sa liberté. Bref, non seulement une éducation normée a priori, mais un apprentissage de la liberté avec en son cœur le problème qu'elle pose à l'éducation, qui est le problème humain fondamental.